إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فإن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر serviteur d'Allah, certes les péchés se divisent en grands et en petits péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِرْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte, c'est-à-dire vos petits péchés, et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ مَثَبَتَ في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور متفق عليه. Et parmi les plus grands des péchés, il y a ce qui est confirmé dans le hadith d'Abi Bakr, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ne vais-je pas vous informer des plus grands des péchés ? Ce sont l'association à Allah, al-shirk, le mauvais comportement envers les parents. Il était accoudé, il s'est alors assis, puis il a dit, « Certes, la parole fausse et le faux témoignage, certes, la parole fausse et le faux témoignage. » Et le hadith est rapporté par al-Bukhari et muslim. « Ibad Allah » في هذا الحديث الشريف يتجلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليها مما يضرها فحذرها من أكبر الكبائر لأنها موبقات مهلكات تفسد على الناس دينهم ودنياهم وأخراهم. Serviteur d'Allah, il apparaît clairement dans ce noble hadith la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, ainsi que sa peur pour elle de ce qui lui nuit. Il l'a donc mise en garde contre les plus grands des grands péchés, car ils sont néfastes. Ils sont néfastes et destructeurs. Ils corrompent aux gens, leur religion, leur vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. فَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ هُوَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَعْبُدَ الْإِنسَانِ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ كَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالِاسْتِغَاثَةِ بِهِمْ وَالذَّبْحِ لَهُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُوَرِ صَرْفِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le plus grand des grands péchés, le plus grand des grands péchés est donc l'association à Allah, le shirk, et elle désigne le fait que l'homme adore avec Allah autre que lui, subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'invoquer les prophètes et les saints, d'implorer leur secours, d'égorger pour eux, et autre que cela parmi les formes d'adoration vouées à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa shirku a'zamu dhunub wa akbaruha wa akhtaruha li'annahu yuhbitu jami'a al-a'mal as-salihati fa huwa kal-hadath li't-taharati fa kama yubtilu al-hadath al-wudu kadhalika yubtilu ash-shirku jami'a al-hasanat. L'association est donc le plus grave des péchés, le plus grand et le plus dangereux, car il annule toutes les œuvres pieuses. Elle est comme ce qui annule les ablutions pour la purification. De la même manière que ces choses-là annulent les ablutions, l'association, quant à elle, annule toutes les bonnes actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais s'ils avaient associé Allah autre que lui, alors tout ce qu'ils faisaient aurait été annulé. وَلِأَنَّهُ يوجب الخلود في النار فمن مات يشرك بالله في عبادته غيره كان من أهل النار الخالدين فيها. Et il inflige le shirk, il inflige l'éternité en enfer. Celui qui meurt en associant Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui dans son adoration fait alors partie des gens du feu qui demeureront éternellement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque associe Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes il n'y a pas de secoureur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des polythéistes, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et ils ne pourront pas sortir du feu. Ils ne pourront pas sortir du feu. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne à quelconque associé. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. فَالْمَيِّتُ عَلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ قَدْ يَئِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَلَا تَنَالُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Celui qui meurt sur l'association majeure, celui qui meurt sur l'association majeure, il désespère donc de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la miséricorde d'Allah ne l'atteindra pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux, et ceux-là auront un châtiment douloureux. وَلَا يَنْصُرُهُ نَاصِرٌ وَلَا يَشْفَعُ فِيهِ شَافِعٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et nul ne le secourra et aucun intercesseur n'intercédera pour lui, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Il n'aura alors ni force ni secoureur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ne leur profitera donc point l'intercession des intercesseurs. ثُمَّ ثَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ عَظِيمٌ جَلِيلٌ كَبِيرٌ يَأْتِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le prophète صلى الله عليه وسلم a ensuite cité secondement le mauvais comportement envers les parents, car le droit des parents est un droit immense, noble et grand, et il vient après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, oh mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ لَا يَنْحَصِرُ فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَكُلُّ إِسَاءَةٍ بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ أَوِ الْإِشَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْعُقُوقِ. Et le mauvais comportement, il ne se limite pas à une seule forme, mais toute nuisance aux parents, que ce soit par la parole, que ce soit par les actes, que ce soit par les signes ou autre que cela, tout cela fait partie du mauvais comportement envers eux. عباد الله إن الوالدين باب واسع من أبواب الجنة فالمحروم من أدرك أبواي أو أحدهما فلم يدخل ببرهما الجنة. Serviteurs d'Allah, les parents sont certes une porte large parmi les portes du paradis, et l'infortuné, le misérable, est donc celui qui a rencontré ses parents ou l'un d'eux et qui ne rentre pas au paradis par la bonté envers eux. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. D'après Abu Huraira رضي الله تعالى عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Il le répéta ainsi trois fois. « Qila man ya Rasulallah » On dit alors, « Qui donc, au messager d'Allah, قال من أدرك والداي عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة ورواه مسلم. Il a dit, celui qui atteint ses parents lorsqu'ils sont vieux ou l'un d'entre eux, puis qui ne rentre pas au paradis, rapporté par Muslim. فتعاهدوا علاقتكم بآبائكم وأمهاتكم ألينوا لهم الكلام ألينوا لهم الكلام واخفضوا لهم الجناح وتعاهدوهم بالصلة والهدايا والزيارات. Prenez donc constamment soin de vos relations avec vos pères et mères. Parlez-leur avec douceur. Soyez bienveillants envers eux et prenez soin d'eux par l'entretien des liens, les cadeaux et les visites, etc. تفقدوا حاجاتهم لا سيما عند كبارهم وضعفهم وأنفقوا عليهم لا سيما عند غناكم وفقرهم. Enquérez-vous de leurs besoins, surtout lorsqu'ils sont vieux et faibles, et dépensez pour eux, surtout lorsque vous êtes riches et qu'ils sont pauvres. وأكثروا لهم من الدعاء والاستغفار فإن الله ينفعهم بدعائكم نفعا عظيما. Et multipliez les invocations et les demandes de pardon en leur faveur, car certes Allah subhanahu wa ta'ala leur fait profiter de vos invocations d'un profit immense. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لهذه فيقول باستغفار ولدك لك رواه أحمد وابن ماجة. D'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah, élève le degré du serviteur pieux au paradis. Élève le degré du serviteur pieux au paradis. Il dira alors, ô Seigneur, d'où me vient cela? Il lui répondra, par l'imploration du pardon de ton fils en ta faveur. Par l'imploration du pardon de ton fils en ta faveur. Et le hadith est rapporté par Ahmed ibn Majah. ومن البر بهم صلة أرحامهم وأصدقائهم فذلك جزء من برهم بعد موتهم. Et il fait partie de la bonté envers eux d'entretenir les liens avec leur famille et leurs amis, et ceci est une partie de la bonté envers eux après leur mort. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبي رواه مسلم. D'après ابن عمر رضي الله تعالى عنه, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire, la meilleure bonté est que l'enfant entretienne les liens avec les gens aimés par son père. Et que l'enfant entretienne les liens avec les gens aimés par son père. Et le hadith est rapporté par Muslim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد, فبعد ان حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك وعقوق الوالدين, حذر من جرم خطير ومع ذلك لا يباري به كثير من الناس, ألا وهو قول الزور وشهادة الزور وهو القول المائل عن الحق. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mis en garde contre l'association et le mauvais comportement envers les parents, il a mis en garde contre un dangereux péché, et malgré cela, beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. Et ce n'est autre que la parole fausse et le faux témoignage. Et ceci est la parole qui dévie de la vérité. وَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Entre dans cela le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur son messager sallallahu alayhi wa sallam sans aucune science. وَيَدْخُلُ فِيهِ تَسْكِيَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَمَدْحُهُمْ وَالثَّنَاهُ عَلَيْهِمْ وَتَصْحِيحُ بِدَعِهِمْ. Et entre dans cela également le fait de recommander les gens des passions et des innovations, de les complimenter, de faire leurs éloges et considérer comme juste leur idéologie. وَيَدْخُلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالْبَاطِلِ فِي الْخُصُومَاتِ لِحِرْمَانِ الْخَصْمِ مِنْ حَقِّهِ أَوْ اتِّهَامِهِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ أَوْ الشَّهَادَةُ بِالْبَاطِلِ لِمَصْلَحَةِ قَرِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ أَوْ بِقَصْدِ الْحُصُولِ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَادِّيَّةٍ أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ. Et entre dans cela également le faux témoignage dans les conflits, pour priver son adversaire de son droit ou l'accuser de ce dont il est innocent, ou alors le faux témoignage dans l'intérêt d'un proche ou d'un ami, ou dans le but d'obtenir un avantage matériel ou moral. فَشَهَادَةُ الزُّورِ فِيهَا مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْأَضْرَارِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ مَا لَا يُمْكِنُ حَدُّهُ لِذَا اِعْتَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِشَأْنِهَا فَعَدَّلَ جَلْسَتَ وَكَرَّرَ التَّحْذِيرَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةِ. Le faux témoignage comporte donc des méfaits et des préjudices, ici-bas et dans l'au-delà, qui sont indénombrables. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en a pris soin. Il a changé de posture. Il était accoudé, puis s'est assis. Et il a répété la mise en garde contre celle-ci à plusieurs reprises. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَقْوَالِكُمْ وَشَهَادَتِكُمْ وَلَا تَشْهَدُوا إِلَّا بِمَا عَلِمْتُمْ وَلَا تَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala dans vos paroles et dans vos témoignages, et ne témoignez que de ce que vous savez, et ne témoignez qu'avec vérité et qu'avec équité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw il walidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in taluhu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Oh les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou vos proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah subhanahu wa ta'ala a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. فاحذروا عباد الله من الوقوع في هذه الكبائر وغيرها واجتنبوها عسمني الله وإياكم منها. Prenez donc garde aux serviteurs d'Allah à ne pas tomber dans ces grands péchés ou d'autres et écartez-vous-en. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préserve de ces péchés ainsi que vous. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.